Notre rendez-vous musical matinal cet été sur France Inter, hommage aux Kings et Magic Elvis. Et ils sont nombreux, les admirateurs, à traverser tous les États-Unis, voire les océans, pour se rapprocher de leur idole. Ils affluent de tous les continents pour un pèlerinage rock'n'roll. C'est bien sûr à Memphis. Et ce matin, donc, parole aux fans du King. Quand on se promène dans le domaine de Graceland, le long des boutiques qui sont toutes dédiées au roi Elvis, il y a deux choses qui frappent l'oreille. D'abord, il y a des haut-parleurs tous les 10 mètres, et au risque de l'overdose, ils ne diffusent que des chansons d'Elvis. Et l'autre chose frappante ici, c'est que l'on entend parler toutes les langues du monde. Plus de 600 000 visiteurs par an, venus de toute la planète. Pour la plupart de ces visiteurs, venir chez Elvis Presley était un rêve très cher, comme pour Vincent, tout juste arrivé de Paris. Pour moi, c'était important d'un jour de venir à Memphis. Pour nous, c'est plus un pèlerinage, parce qu'il y en a qui vont à Lourdes, nous, on est venus à Memphis. Mais ça, c'est un souvenir pour moi gravé à vie. Il y aura avant et après Memphis, voilà. Pèlerinage. Ce fan français a parlé de pèlerinage. C'est vrai que l'ambiance ici donne l'impression d'un recueillement quasi religieux. Et même si le terme pèlerinage dérange parfois, Christian Pantillon, le président du fan club d'Elvis Presley en Suisse romande, accepte de l'analyser avec nous. Les mots sont difficiles à trouver, mais on peut parler, disons, de pèlerinage, parce que sentir le plus proche possible d'Elvis, c'est de passer dans sa maison, en fait. On peut la visiter comme un simple musée. Et puis d'autres, je pense qu'ils veulent s'imprégner de cette aura qu'il avait, ce personnage, comme une personne peut-être de religion catholique ira à Lourdes ou autre. Back porch preacher preaching at me, acting like he wrote the golden rule, shaking his fist and speaking at me. Une jeune admiratrice du King, prénommée Sulaima, ose aller encore plus loin. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas comprendre ça. Je pense des gens religieux. C'est vrai, Elvis, c'est comme une sorte de dieu pour nous. Puis j'espère ne pas offenser les religions, mais il l'est. Si certains prennent Elvis pour un dieu, d'autres admirateurs préfèrent garder leur distance et ne pas faire ce voyage à Memphis. C'est le cas d'Eddie Mitchell, évidemment fan du King, surtout dans la période des années 50, mais très étonné par l'engouement de certains admirateurs. Bon, c'est des choses qui m'échappent. Je serais incapable de faire le voyage pour n'importe qui, d'ailleurs. C'est pas contre Elvis Presley que je dis ça, loin de là. Mais bon, je comprends pas, voilà. Et puis d'autres ne viennent pas à Graceland pour une raison plus simple. Garder l'image d'un Presley vivant. Comme Jackie Chalard, musicien et producteur de disques, fan du King depuis la première heure. J'ai pas envie d'aller sur la tombe d'Elvis, parce que pour moi, Elvis, il est pas mort. Donc j'ai pas envie d'aller devant une stèle, me rendre à l'évidence qu'il est en dessous... On sait bien où on va tous aller, mais j'ai pas envie de me faire du mal en plus. Quoi. Et pendant que les pour et les contre s'affrontent, Elvis, lui, chante toujours dans les haut-parleurs de Graceland et demande simplement qu'on l'aime tendrement. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you and love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams